sim, why not getting money? Game shit trap, game shit trap, why not getting money? Why not getting money? Game shit trap, game shit trap, le why not? Getting money. Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Le why not? Getting money. Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Maintenant, faites place pour le dieu du rap, non why not? Qui maintient ses rappeurs compétitifs. Mafia représentative. Appelle-moi le spécialiste professionnel, professeur de sciences rap usées. Dans mes laboratoires, c'est là que l'ennemi peut me trouver. Ma chimie est trop lourde pour eux, ma catégorie. De voyous armés jusqu'aux dents, prêt à vous tuer. Rapidement, je fais couler ton sang, on règle ça. Tu veux faire une scène, alors je coupe ta tête de chat. Fais rouler ton crâne sur le pavé, éclate-moi. Tu recherches des signes de la fin, alors j'amène pour toi l'apocalypse dans ce jeu qu'on appelle le rap. Mais le jeu est très sérieux, écoute-moi en effet. Peux te cacher de moi toute ta vie, mais t'inquiète pas, on se croisera. Pour tester le roi, t'as besoin d'un flingue. Tu cherches le why not? Je suis partout, dans un HLM près de chez toi. J'attends ta gueule, le why not? Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Le why not? Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Trappe un détermination, c'est le talent. Nous fonctionne au talent. Honneur et médaillon. Un bras de fer, mon compagnon. C'est chaud, c'est Lucifer. C'est le flow qui amène au cimetière. Les négros sont si plus sous terre. Je reviens ressusciter le jeune frère. Oh, vrai. J'suis dans mon bolide cool. Roule et si ça doit partir en couille. Faut mettre la cause que la victime. Je serai prêt si tu veux tester Green. C'est Green Money, le Roy Nut. Nouvelle Money, nouvelle époque. Rive Sud Drac. UG Gop. Le Roy Nut. Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Le Roy Nut. Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Quoi? Tu vois ce qui se passe, négro? Why not get good money? Ouais. Rive-sud. J'attendais pas, hein. Trace. Rive-sud, trace. Ça se passe. Hein? Je se passe, négro. Le why not? Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal. Le why not? Du lourd sur nos poignets, mon négro. This is fine. Les conflits et la guerre. Pour nous, c'est normal.